Sixième chapitre, Monsieur de Saint-Luc. François d'Épinay de Saint-Luc, alors lieutenant général du roi en Bretagne, était un des gentilshommes les plus accomplis de France. Ancien favori de Henri III, ce courtisan habile joignait à une grande valeur des mœurs fort douces, ainsi qu'un esprit fin et délicat qu'il avait cultivé dès son enfance par l'étude des belles lettres. Le Béarnais, qui avait su le distinguer à la bataille de Coutras, l'avait fait chevalier de ses ordres et lui avait promis de le nommer grand maître de l'artillerie aussitôt que cette charge deviendrait vacante. Monsieur de Saint-Luc était occupé à travailler dans une des vastes chambres du vieil hôtel qu'il habitait à Quimper lorsqu'il reçut la lettre du baron de Beaumanoir. En la lisant, le cœur du général se sentit profondément ému et il résolut de rendre la fontenelle à la liberté à cause de sa famille. Il répugnait à Saint-Luc de livrer à la justice un homme qui, peut-être un jour, déplorerait les cruelles expéditions de sa jeunesse, et il savait que le mettre entre les mains du Parlement, c'était l'envoyer à une mort certaine. Bien qu'il n'ignorât pas que son prisonnier fût cousin de Lavardin, qui avait été nommé maréchal à sa place, cependant il aurait rougi à cause de ce fait de profiter de cette occasion pour perdre par esprit de vengeance un membre de la famille des Beaumanoir. Et pourtant, quand Saint-Luc songeait aux souffrances de la Cornouaille, alors il sentait s'éteindre toute pitié et son cœur de loyal soldat se soulevait au souvenir des atrocités de Guy Hébert. Mais d'un autre côté, que lui faisaient les affaires de Bretagne ? Il savait qu'il avait fort peu de temps à y séjourner et que bientôt il retournerait à Paris où l'appelait la nouvelle dignité de grand maître de l'artillerie. Après avoir réfléchi un moment, il donna l'ordre d'aller quérir la fontenelle et de l'introduire en sa présence. Celui-ci parut environné de la garde nombreuse qui ne l'avait pas quitté depuis son arrestation. Malgré la terrible situation où il se trouvait, le partisan avait toujours la tête haute et le regard altier. Seulement les traits de son visage semblaient quelque peu altérés et il était facile de voir que le dépit d'avoir été ainsi pris par la ruse de Leclou avait allumé dans son âme un désir impérieux de vengeance qui, faute de pouvoir être assouvi, le torturait bien cruellement. Depuis qu'il était captif, c'était la seconde fois qu'il paraissait devant Saint-Luc. « Eh bien, monsieur de La Fontenelle !» s'écria ce général quand les soldats de garde se furent retirés par son ordre dans l'antichambre. « Êtes-vous disposé à mourir ?»« Oui, monseigneur !» répondit La Fontenelle en s'inclinant. « Quand l'heure suprême où je dois quitter ce monde aura sonné, j'espère mourir bravement en soldat et en gentilhomme. » Mais je vous l'avouerai, je ne considère pas la situation dans laquelle je me trouve comme entièrement désespérée. Je conserve encore l'espoir de sortir libre de cette ville afin de pouvoir me venger du traître qui m'a livré à vous avec tant de perfidie. Oh, de grâce ! Répartit sévèrement Saint-Luc. Laissez de côté tout ce qui a de rapport à la trahison, car personne ne s'est montré plus cruellement perfide que vous dans les divers actes de votre vie. Et certes, Leclou, en employant la ruse à votre égard, ne s'est servi pour vous combattre que de vos armes ordinaires. » En ce moment, le prisonnier feignit de baisser la tête devant le coup d'œil d'indignation que lui lança Saint-Luc. Mais intérieurement, il frémissait de rage d'être à la merci de ce fier gentilhomme qui, d'un seul mot, pouvait le sauver et l'arracher à la justice de Rennes ou bien l'envoyer à la mort. Il laissa donc Saint-Luc épuiser son indignation sans l'interrompre, puis il reprit hypocritement. « Oui, monseigneur, je le répète, l'espérance n'est pas encore sortie de mon cœur. Et quelque chose me dit que monsieur de Saint-Luc, le plus noble gentilhomme de France et le meilleur ami du roi Henri III, ne laissera pas le cadet des Beaumanoir et d'Air finir sa vie sur un gibet. Ma foi, bien certainement, il y aurait justice à vous envoyer à la mort que vous avez si souvent méritée. Et vous savez qu'il ne tient qu'à moi de vous faire exécuter sur le champ sans qu'il soit besoin de vous conduire à Rennes. » « Mon devoir et les ordres du roi me prescrivent de ne garder aucun ménagement avec vous. »« Je n'ignore rien de tout cela, monseigneur, » dit La Fontenelle avec assurance. « Mais je suis persuadé que vous avez trop de sang noble dans les veines pour commander froidement mon supplice et que votre âme est trop chevaleresque pour que j'aie rien à craindre de votre personne. » Saint-Luc, au lieu de répondre, après avoir regardé fixement la fontenelle, garda le silence et sembla s'abîmer dans de profondes réflexions. Pendant ce temps, le prisonnier qui l'observait avec attention vit que le moment était venu de risquer le moyen qu'il avait résolu d'employer pour recouvrer sa liberté. Depuis longtemps, il connaissait parfaitement bien le caractère de Saint-Luc. Il savait qu'au milieu de ses belles qualités, cet ancien favori avait aussi un grand nombre de faiblesses, que son principal défaut était d'aimer par-dessus tout le faste, la dépense et par conséquent l'or. Aussitôt qu'il fut au pouvoir d'un tel homme, il conçut l'espoir de se retirer de ses mains et il se promit de lui offrir une forte somme pour sa rançon. S'apercevant donc que le général paraissait disposé à l'écouter favorablement, il reprit en ces termes. « Oui, monseigneur, je le dis hautement, je suis fier d'être votre prisonnier et je n'espère qu'en vous seul. »« Monsieur de la Fontenelle !» reprit Saint-Luc avec force. « Il faut que vous sachiez bien que non seulement toute la ville de Quimper demande à grands cris votre tête, mais encore que des députations de plusieurs villes de Bretagne m'arrivent chaque jour depuis votre arrestation, me suppliant de vous faire pendre sans autre forme de procès sur la place de Saint-Corentin en expiation de tous les méfaits dont vous avez accablé ce pays. Mais heureusement pour vous, je veux bien vous considérer comme prisonnier de guerre et suis décidé à n'agir que d'après ma seule volonté, sans me laisser influencer par personne. « Seigneur de Saint-Luc !» s'écria hardiment la fontenelle, « tout en vous remerciant mille fois de l'intérêt que vous daignez prendre à un malheureux gentilhomme qui vous en conservera une éternelle reconnaissance, permettez-moi de vous offrir pour ma rançon une somme de 14 000 écus que je m'engage à vous faire porter ici, demain, par mes gens. Je m'estimerai heureux si vous voulez bien l'accepter en souvenir de moi. » Cette proposition, comme l'avait pensé la fontenelle, vibra agréablement aux oreilles du général. Cependant, Saint-Luc, ne voulant pas laisser percer la joie qu'il en ressentait, se contraignit et, prenant un visage froid et glacé, il continua d'un ton sévère. « Connaissez-vous cette écriture, monsieur de la fontenelle ?»« Oui, général, elle est de mon frère. » »« Lisez donc alors !» et voyez jusqu'à quel point ce loyal gentilhomme vous aime, et combien il tremble pour votre vie. Il me demande votre grâce. « Pauvre frère !» s'écria la fontenelle après avoir pris connaissance de la lettre du baron. « Tu peux être certain que je ne serai pas ingrat envers toi et que je t'aimerai jusqu'à la mort. » En prononçant ces mots, ses yeux semblèrent devenir humides. Saint-Luc, qui s'aperçut de cette émotion, le considéra attentivement pour voir si quelques larmes viendraient mouiller ses paupières. Mais il ne vit rien. L'œil du partisan était entièrement sec et son regard avait repris son expression habituelle. « Monsieur, reprit Saint-Luc, en considération de votre frère et de l'illustre maison à laquelle vous appartenez, je vous fais grâce et vous rends à la liberté. Demain, vous pourrez retourner à l'île Tristan. Mais n'allez pas mépriser les conseils d'un soldat qui vous a sauvé et qui a eu pitié de votre jeunesse. Aussitôt votre retour à Douarnenez, croyez-moi, licenciez vos soldats et après avoir fait amende honorable, expatriez-vous pour quelque temps. Pendant cette absence, faites solliciter votre pardon par l'entremise de votre cousin Lavardin qui est tout puissant à la cour. Moi-même, je vous le promets, je m'engage à obtenir du roi que vos crimes et vos actes passés soient oubliés. Dans quelques années, quand le souvenir de vos fautes sera presque éteint, vous reviendrez en France. Soyez bien certain que ce n'est que dans cette espérance que je vous laisse aller, car si j'avais la pensée que vous dussiez recommencer votre vie de brigand, je serais le premier à vous accompagner jusqu'à Rennes et à vous livrer au Parlement. Le moment est opportun pour faire votre soumission et pour mettre bas les armes. Je n'exige pas de promesses de votre part. Si vous demeurez sourd aux avis que je vous donne, vous serez bien cruellement puni, et cette punition ne tardera pas à vous atteindre. Alors, personne ne pourra vous arracher à votre sort. Vous mourrez ignominieusement sur la roue, comme le plus infâme des scélérats. » La fontenelle n'osa pas répliquer à ce discours. Il se contenta de s'incliner devant Saint-Luc, puis quelques minutes après, il écrivit à de Romard pour le prier de lui faire passer la somme de 14 000 écus, prix de sa rançon. Un messager partit à l'instant même, et le lendemain, de Romard, accompagné de 4 soldats, faisait son entrée dans Quimper. Introduit auprès de Saint-Luc, le lieutenant lui conta la somme offerte par la fontenelle. Quant à celui-ci, après avoir vivement remercié son libérateur, il sortit de la ville à la tombée de la nuit, de crainte d'être reconnu par les habitants. Arrivé au sommet d'une des collines qui dominent Quimper, il se détourna tout à coup, l'œil étincelant et la figure menaçante, et désignant à de Romard et à ses gens la cathédrale qui s'élevait belle et majestueuse au-dessus des autres édifices, il s'écria « Dans peu je reviendrai là-bas, mais cette fois ce ne sera pas les mains liées et emprisonnées. J'entrerai à Quimper pour faire rendre à ses habitants tout l'argent que je viens de payer à monsieur de Saint-Luc, et puis aussi pour faire pendre au haut de ses tours le perfide Leclou. Le larron ne périra pas seul. À ses côtés, je ferai figurer bon nombre de ces chiens de Quimperois qui ont été si empressés et si ardents à demander ma mort. » Ayant dit ces mots d'une voix terrible et solennelle, Guy Hédère lança son cheval à travers les sentiers tortueux de la route. Un sourire infernal et cruel erra sur ses traits décomposés par la rage et le désir de la vengeance. Bientôt, on vit la petite escorte qui l'accompagnait se perdre dans les chemins presque impraticables tracés à travers les landes et les bruyères qui menaient à Douarnenez.